Je vous rappelle l'offre qui est toujours valable pour la cassette gratis avec l'achat du billet de la semaine prochaine. Et ceux qui ont des questions, si vous voulez les écrire et les laisser ici en avant. Je vous remercie. On prend une pause 15-20 minutes. Merci. Mm-hmm.